le gymnase de l'Université de technologie Kimtse a abrité la compétition automnale de tennis de table des handicapés et des amateurs 2016 depuis le 24 jusqu'au 30 octobre. Des handicapés et amateurs coréens ainsi que des étrangers en séjour en Corée y ont pris part pour se disputer en simple et en double dans les catégories des handicapés et des amateurs. Les meilleurs joueurs ont reçu les coupes, médailles et prix individuels.